écoutez Marc Aous Damba plaire au-dessus de la montagne. Qui peut les consoler si ce n'est pas vous, Papa Mathias? Yoka Manzaka. Costa Coulère. Barbara Mazirel, la première dame de l'Imété. Gabé Tokoni. Chili Luka ya Navigator. Vera do preso yeti, que la zali poti, na ba art na posa, na kata bolingo. Pedro Pembele, Mbye chatige, oya yo chatima, e komi o mi mangai, ne chape meni e kusha. Charlie Kolumba, oye bibye bape sa kacharme, e Pembele, son mosala ya punda. Jose Kambia na Nairobi, oye bibye, plese lo mingo, na ne chapili, pasa pa ma pasa. Sanso ya ye fort, e salakina suki, oya pleso limo, e sa ye pa berado, monde la souci, e kate la kinaï, e sina de pasenzambe, a goza vertija ma kofi, ya ba panse, ya ke konya kanya ta, pa mi lo de siaki, na zangi mwe na tomo la lo koloma na landa, na sove fina na to na sove ya bolimo. Awa kofina na bolimo si yo preste sa munda. Honorable Petit Bolenge. Ne chapindi, kleso mingo. Mera do, te sa munda. Yesula, London. I love you. Basta Badou Petit, Maître Asien, Jésus d'Electro. Las Poni Mouza. Mawala ma bon sante, si mo sante me yoke. Patricia Odia, Carlos Ecalo, Trésor Moigny. Ingénieur Charles Kikita. Je vais bonger. Bendy, bonjour Dola. Bonne santé, c'est moi santé médiocre. Vitamine à l'homme, n'a qu'est-ce à dîner, chadimi. Sauf que son qui n'a qu'on vivre bonheur. Et c'est mon amma et mon salam, puisque tu vois. Chaque tombe, il y a la main, c'est le babon de la caille, ouais, n'a les colos. Santa.